Vous aimez être à la pointe de la technologie ? DS Automobile présente DS7 Crossback. Avec DS Active Scan Suspension, suspension révolutionnaire pilotée par caméra, DS Night Vision, vision de nuit par infrarouge, et DS Connected Pilot ouvrant la voie à la conduite semi-autonome, ce SUV d'avant-garde signe un haut niveau de technologie. DS Automobile vous convie à essayer DS7 Crossback dans son nouveau réseau exclusif. Plus d'informations sur dsautomobile.fr. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 18 mai 1152. Eh oui, vous imaginez ça, nous sommes dans ma bonne ville de Poitiers pour assister en la cathédrale Saint-Pierre, dans la somptueuse salle du palais également, à un mariage princier, c'est à la mode vous me direz. En vérité, il s'agit d'un remariage puisque la duchesse d'Aquitaine, il y a encore peu reine de France, son mariage avec le roi Louis VII n'ayant été annulé qu'en mars, puisque donc la superbe, l'indomptable Aliénor prend un nouvel époux. Au moins, il s'agit d'un mariage d'amour cette fois. On a le droit de le penser, oui, et d'autant plus que ce nouvel époux est beau, il est jeune, il a 20 ans à peine, Aliénor en a près de 30 quand même. Seulement, il faut savoir qu'avant de se remarier avec ce Henri Plantagenet, Aliénor avait envisagé d'épouser son père en vérité, Geoffroy. Ah. Manque de chance, celui-ci était mort subitement pour s'être baigné dans le Loir un peu trop froid, et faute de père, elle épouse donc le fils, attiré sans doute avant tout par la position de ces deux messieurs, celle de duc d'Anjou. Aliénor est ainsi, elle parie toujours sur l'avenir. En l'occurrence, c'est plutôt bien joué, non ? Oui, puisque le jeune Henri, dans la foulée, va postuler à la succession du défunt Étienne d'Angleterre. Il va battre l'armée du roi de France et devenir, en 1154, roi d'Angleterre, sous le nom d'Henri II Plantagenet. De sorte que son épouse, après avoir été reine de France, devient donc reine d'Angleterre. C'est un cas absolument unique dans l'histoire des deux pays. Mais notre chère Poitevine, de toute façon, est très unique. Dans cette alliance, c'est tout l'ouest de la France actuelle, hein, du Cotentin jusqu'aux Pyrénées, qui bascule dans le camp de la couronne d'Outre-Manche. Il est dit que les battements de cœur d'Aliénor auraient des conséquences pour l'histoire aussi phénoménales que jadis ceux de Cléopâtre. Il est vrai que plus tard, Aliénor va mener la révolte des princes d'Angleterre contre son cher Henri II. Mais enfin, ça, c'est un autre chapitre. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, pour une émission consacrée au grand diplomate autrichien,